بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, c'est le cours 104 dans l'explication de Kitab al-Tawhid avec le sharh du petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Donc on est en train d'expliquer maintenant le chapitre 11. Babun la yuthbahu lillahi bimakanin yuthbahu fihi li ghayrillah. Et le cheikh, il a mentionné dans ce chapitre deux preuves. Le verset dans Surat al-Tawba, verset 108. La taqum fihi abadan. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taqum fihi. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Et l'autre hadith, c'est le hadith rapporté selon Thabit ibn al-Dahhak رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Donc on a expliqué au dernier cours la signification du chapitre du titre du chapitre. Et là, on commence à expliquer maintenant le verset 108 dans Surat al-Tawba. Donc, on va lire la traduction du verset. Et puis ensuite, Inch'Allah, on va commencer à lire son explication avec les paroles de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan et les commentaires de Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc, le verset 108. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie. Et c'est à propos d'une mosquée que les munafiqines avaient construite. On appelle cette mosquée Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar. Et la raison de la construction de cette mosquée-là, c'était pour opposer la da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, le verset qui vient juste avant, c'est le verset 107. Allah Azza wa Jal, il fait allusion justement à cette mosquée-là. Il dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Ce qui signifie ceux qui ont édifié ou qui ont construit une mosquée pour faire de la rivalité et de l'impiété et de la division, du kufr et de la division tafriq entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager, en jurant en disant nous ne voulions que le bien. Ils ont juré qu'ils voulaient que le bien. Et cela atteste. Allah atteste qu'il mente. Et le verset suivant, c'est le verset qu'on a lu. Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « Ne te tiens jamais dans cette mosquée. » Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de la brûler. Il a ordonné à ce que cette mosquée-là soit brûlée. Parce que le but pour lequel elle avait été établie, c'est pour opposer l'islam et opposer les croyants. Et ainsi de suite. Et donc, Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset, ne te tiens, il parle au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. Et ici, il fait allusion à la mosquée de Quba, Masjid de Quba. Mais même si tu vas à Quba aujourd'hui, ils ont même écrit ce verset-là sur la porte. نعم لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Hein, la mosquée qui est fondée depuis le premier jour sur la taqwa est plus digne que tu t'y tiennes pour prier. On y trouve des gens qui aiment se purifier constamment. Et Allah aime ceux qui se purifient. Donc ça, c'est le verset en question. Maintenant, on va voir comment, à partir de ce verset-là, le cheikh, il confirme le titre de ce chapitre, qui est le fait de ne pas égorger pour Allah dans un lieu dans lequel les gens égorgent pour autre que Allah. Et donc, ici, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « وقوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا أي مسجد الضرار المذكور في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهو مسجد قباء فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك فأتوه فسألوه أن يصلي فيه وذكروا له أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة وأنزل الله فيه هذه الآيات ووجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد الذي أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة وخرج مخرج المخصوص والنهي عام وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه لأن المعصية سيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله أثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه ويقابل ذلك المساجد فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته والصلاة فيها جمعة وجمعة وهي أشرف بقاع الأرض قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآية فما أحسن هذا القياس. Ok, donc on va lire l'explication ou le qu'est-ce qu'il explique ici. Ensuite, on lira les détails de ce que Cheikh Al-Fawzan a rapporté à propos de ça. Donc Cheikh Abdurrahman ibn Hassan Rahimahullah, il dit dans le verset qu'on a lu tout à l'heure à propos de Masjid al-Dirar, donc il dit que cette mosquée, yani Allah Azza wa Jal l'a mentionné comme étant une mosquée qui a été bâtie pour yani, la dissension et pour le kufr, la mécréance et la division entre les croyants, et également pour celui qui avait l'intention auparavant de combattre Allah et son messager. Et ensuite, il explique que il ne doit jamais se tenir dans cette mosquée-là. Plutôt, la mosquée qui, du premier jour, a été bâtie sur la piété, mérite plus qu'on s'y tienne dedans. Et c'est la mosquée de Quba. Et la mosquée de Quba, hein, c'est la mosquée, il y en a la première mosquée qui a été, disons, bâtie sur le chemin de la Hijra, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'arriver à Médine, il s'est arrêté à Quba. Et c'est là qu'il a prié à cet endroit-là. Et on a construit la mosquée qu'on appelle la mosquée de Quba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude, chaque samedi, de partir à pied jusqu'à Quba, parce que c'est pas très très loin. Et il allait là-bas, il faisait rak'atayn, et puis il revenait. Et même qu'il y a un hadith qui mentionne que celui qui va le samedi à Quba, pour faire rak'atayn, eh ben il a la récompense comme s'il avait accompli une umrah, si je ne me trompe pas. Donc il y a un grand mérite dans le fait de prier dans cette mosquée-là, si on suit cette sunna. Donc le cheikh il explique donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait prié dans cet endroit-là et c'est devenu donc une mosquée. Et il dit que par la suite, il y a des gens parmi les munafiqines qui ont construit la mosquée de dissension, qui est la mosquée qu'on appelle Masjid al-Dirar, et ils l'ont construit avant la bataille de Tabouk, c'est-à-dire avant l'expédition de Tabouk. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait partir, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de venir prier dedans, de venir prier dans cette mosquée. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie dans une mosquée, eh bien c'est comme s'il donne son approbation et il met sa bénédiction dans cet endroit-là. Alors les munafiqines espéraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait venir prier dans leur mosquée pour donner à cette mosquée-là justement de la crédibilité, et pour couvrir leurs intentions. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux ils ont dit, nous on a construit cette mosquée pour les faibles et pour les malades dans les nuits d'hiver quand il fait froid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, nous allons voyager maintenant, c'est-à-dire on va partir pour Tabouk. Et à mon retour, Inch'Allah, je vais venir. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait revenir vers Médine après être allé à Tabouk, il ne restait qu'une journée ou deux, avant qu'il arrive à Médine. Et Allah Azza wa Jal a révélé ce verset dans Sourate Tawbah. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal a fait savoir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les vraies intentions qui étaient derrière la construction de cette mosquée-là. Donc il a donc envoyé de ses sahaba pour aller détruire cette mosquée avant qu'il arrive à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a révélé les versets à son sujet. Et comment on comprend par rapport à ce verset-là la relation qu'il y a entre ça et le titre du chapitre, c'est-à-dire l'interdiction de faire des sacrifices pour Allah dans un endroit dans lequel on égorge pour autre que Allah? Eh bien, le cheikh il explique que cette mosquée avait été bâtie à la base et avait été fondée sur la désobéissance d'Allah et sur le kufr. C'est donc devenu un lieu de colère. La colère d'Allah était sur ce lieu-là. Et Allah Azza wa Jalla a interdit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de se tenir dans cet endroit-là à cause de cet empêchement, justement du fait que c'est un lieu de colère. Et donc, le cheikh explique que qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit ici, فَخَرَجَ مَخْرَجَ الْخُصُوصِ وَالنَّهْيُ عَامِ. Donc, il dit, c'est mentionné de façon spécifique, mais ça s'applique de façon générale. Ça s'applique de façon générale, c'est-à-dire que tous les endroits qui sont semblables à cet endroit-là, semblables à Masjid al-Dirar, eh bien, le jugement s'applique. Le jugement s'applique, c'est-à-dire l'interdiction de prier dedans s'applique. C'est-à-dire que s'il y a un lieu qui a été établi dans le but de désobéir à Allah Azza wa Jal, et qu'on a établi spécifiquement pour la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, eh bien, automatiquement cet endroit-là ou ce lieu-là adopte le même verdict et le même jugement. Parce que le péché le rend un endroit sale, un endroit mauvais, et ce qui fait qu'on ne peut pas adopter ou prendre ce lieu-là pour en faire un lieu pour établir l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et il dit que l'interdiction, يعني, il dit « أثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه ». Donc, cette interdiction-là a eu l'effet d'interdire de faire l'adoration dedans, dans ce lieu-là, par opposition aux mosquées, puisque les mosquées, c'est des lieux qui sont des lieux nobles et qui ont été bâtis pour l'obéissance d'Allah et pour la salat, les prières en groupe du Jumu'ah et les prières quotidiennes hein, en Jama'ah. Donc c'est un des plus nobles lieux sur terre. Ashraful biqa' wa khayrul biqa'. Il y a un hadith qui mentionne même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrul biqa' ila Allah al-masajid. Donc c'est les meilleurs lieux hein, pour Allah. Et il mentionne également les versets 36 et 37 dans Surat An-Nur, dans lesquels Allah Azza wa Jal, justement, il glorifie les mosquées. Et c'est un verset qui est vraiment très beau, en fait, dans sa signification. Donc, il dit, dans des maisons, des mosquées, que Allah a permis qu'on élève, et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi des hommes qui, pour qui le commerce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoute un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. En fait, quand on lit le verset en arabe, c'est pas du tout comparable à qu'est-ce qu'on lit quand on lit la traduction. C'est pas aussi beau. Ça perd beaucoup de sa force et de sa beauté, mais ça nous donne au moins le sens. Hein? Alhamdoulilah. Donc il dit, quelle belle analogie. Hein? Quelle belle analogie. Et on va lire maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan. Et Cheikh Al-Fawzan, il donne plus de détails. Donc il explique à propos des versets 107 et 108 dans Surat At-Tawbah. Il dit, فَقِصَّةُ هَذَا الْمَسْجِدُ وَيُسَمَّ مَسْجِدُ الضِّرَارِ أن جماعة من المنافقين الذين أظهروا الإسلام مكرا وخداعا وهم يكيدون للمسلمين ويريدون تفريق المسلمين والإيقاع بهم اجتمع رأيهم في أن يبنوا مسجدا يجتمعون فيه أو يبنون مكانا يجتمعون فيه للتشاور للمكر بالمسلمين وسموه مسجدا من باب الخداع ولأن لا ينكر عليهم ذلك ولأجل الإضرار بمسجد قباء وليصرف الناس عن مسجد قباء الذي هو أول مسجد أسس على التقوى فأرادوا المضارة بأهل مسجد قباء الذين بنوه وأسسوه على التقوى والإخلاص لله عز وجل فهم قصدوا مقصدين قبيحين المقصد الأول أرادوا بناء مجمع يجتمعون فيه للتشاور والمكر بالمسلمين والمقصد الثاني أرادوا أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء الذي أسس على التقوى فلذلك سمي بمسجد الضرار لأنهم يريدون المضارة بالصحابة الذين يصلون في مسجد قباء ثم لما أنهوا البناء بقصد هذا الخبث أراد التعمية والتغطية على فعلهم هذا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم بنوا هذا المسجد من أجل الرفق بالمسلمين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مسجد قباء لضعفهم ولكبرهم لكبرهم أو في ليلة المطيرة أو الليلة الشاتية وهذا قصدهم في الظاهر يعني وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فيه أقره ولم يستنكره أبدا ولم يستنكره أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، هذا قصدهم. وقصدهم يعني ستر خزيهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم عن قصدهم، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que l'histoire derrière la mosquée de Dirar, qu'on appelle Masjid al-Dirar, la mosquée de la dissension, la mosquée qui voulait, qui avait été bâtie par un groupe d'entre les hypocrites, qui laissait paraître l'islam par trahison et par moquerie, ou bien par ruse. Ils montrent qu'ils sont musulmans, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont contre l'islam, ils détestent l'islam. Et ils rusent contre les musulmans, ils veulent faire du tort à l'islam. Ils veulent diviser les musulmans et faire des problèmes entre eux. Donc, ils se sont mis d'accord pour bâtir un lieu dans lequel ils pourraient se réunir pour se consulter comment ruser contre les pour savoir comment ruser contre les musulmans. Et ils l'ont appelé masjid, ils l'ont appelé mosquée, seulement pour tromper les gens. Et pour pas que les gens les critiquent ou les condamnent. Et pour faire du tort à la mosquée Quba, pour détourner les gens qui allaient à Quba et pour les empêcher d'aller là-bas et pour les détourner vers leur mosquée à eux. Et la mosquée de Quba, c'est la première mosquée qui a été bâtie sur la piété. Donc ils voulaient faire du tort aux gens de la mosquée de Quba. Ils ont bâti donc leur mosquée. Alors que la mosquée de Quba est bâtie, comme on a dit, fondée sur la piété et sur la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Donc ils ont eu, ces hypocrites, deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'avoir un lieu pour se réunir pour ruser contre les musulmans et faire des complots contre les musulmans. Et le deuxième objectif, c'était de détourner les gens de la mosquée Quba qui est bâtie sur la piété. C'est pour ça qu'on l'appelle la mosquée de la dissension. Et ils veulent faire du tort aux sahaba qui prient à la mosquée Quba. Donc ils ont bâti cette mosquée-là et avec une intention qui est sale et mauvaise. Et ils veulent couvrir cette intention-là. C'est pour ça qu'ils sont allés demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant qu'ils avaient bâti cette mosquée-là pour les faibles, parce qu'ils voulaient alléger les choses pour les gens qui habitaient un peu loin, et quand il y avait les nuits de pluie ou les nuits d'hiver, pour qu'ils aient pas besoin de marcher loin. Donc en apparence, c'était ça leur intention. Et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir prier dedans. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie dedans, ça veut dire qu'il est d'accord. Et donc personne ne va s'objecter ou condamner par la suite. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dedans. Donc c'était ça leur intention, de cacher leur ruse. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas le ghaib. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'invisible. Il ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur comme intention lorsqu'ils ont commencé à vouloir faire ça. Mais c'est Allah qui connaît leur intention, et il est venu justement pour il a révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le verset à ce sujet-là pour l'avertir. Et le cheikh Al-Fawzan il dit ensuite: faqala lahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna sanakhruj ila ghazwati tabuk wa kana yatajahhaz li ghazwati tabuk yani li ghazwi ar-rum fi tabuk min bilad ash-sham ولكن إذا أتينا وإذا أتينا نصلي فيه يعني عند قدومهم من تابوك ووعدهم صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب وعدهم لأنه لا يعلم الغيب وفي التأخير حكمة من الله سبحانه وتعالى فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تابوك ولم يتبقى على قدومه إلى المدينة إلا يوم أو وقت يسير فجاءه الخبر من الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام فنزلت عليه الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا إلى قوله لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لله ولكن لما كان هذا المكان مبنيا على على يعني على أصل فاسدة ومكر بالمسلمين نهاه الله عن الصلاة فيه، فدل على أنه لا يتقرب أو لا يتقرب إلى الله في مكان المعصية ومكان الكفر والشرك، وذلك ومن ذلك الذبح، فلا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. وهذا وجه الاستدلال في الآية الكريمة. ولما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد الذي أسس للكفر والنفاق، فإنه يمنع الذبح في المكان الذي هو مخصص للشرك من باب أولى. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les munafiqin l'ont invité pour venir prier dans leur mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit qu'il se préparait pour partir à Tabouk, pour combattre les Romains qui étaient là-bas, hein, de la région de Hacham, parce qu'ils avaient une station dans la ville de Tabouk. Alors qu'est-ce qui est arrivé ? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis qu'à son retour, il allait venir dans leur mosquée. Pourquoi il leur a promis ? Parce que, comme le cheikh explique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas l'invisible, il ne connaît pas l'avenir, il ne connaît pas le ghaib. Hein, il ne sait pas qu'est-ce que ces munafiqines cachent comme intention mauvaise. Et dans le fait, justement, d'avoir retardé la venue, le fait d'être allé dans cette mosquée-là, et d'avoir retardé ça après la bataille de Tabouk ou l'expédition, eh bien il y a une sagesse d'Allah dans ça. Et le cheikh il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de retour de la mosquée Tabouk, de la bataille de Tabouk pardon, et qu'il ne restait à son retour qu'une journée ou moins qu'une journée, Allah Azza wa Jal lui a fait parvenir l'information par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam que yani, cette mosquée n'était pas bonne. Ce n'était pas une mosquée établie sur la piété, que c'était une mosquée de dissension, hein, et de kofr, et ainsi de suite. Et il lui a interdit de se tenir dans cet endroit-là et dans ce lieu-là. Il lui a dit, « La taqum fihi abada, ne te tiens jamais dedans. » C'est-à-dire, ne fais jamais la prière à cet endroit-là. Et le cheikh, il explique que, yani, quand le messager, il fait la salat pour qui ? Il fait la salat pour Allah. Mais malgré ça, Allah lui a interdit de prier à cet endroit-là. Pourquoi ? Malgré qu'on sait en fait même qu'en islam, Tous les lieux sur terre peuvent être utilisés comme lieu de prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « وَجُعِلَ الْأَرْضُ لِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا » La terre a été établie pour moi comme un lieu de prière et de purification. Mais ici, on voit qu'il y a une restriction à ça. Et c'est l'exemple de l'endroit qui a été établi dans le but de désobéir à Allah ou yani, dans le but de yani, faire le kofr ou le shirk. Et donc, puisqu'on n'a pas le droit de faire aucun rapprochement ou adoration pour Allah dans un lieu dans lequel on a établi la désobéissance et le kofr et le shirk et d'autres exemples de ce genre, Eh bien, on n'a pas le droit non plus de faire des sacrifices. Parce que le sacrifice, c'est une adoration. Et on n'a pas donc le droit, par conséquent, de faire un sacrifice pour Allah dans un endroit dans lequel on égorge pour autre qu'Allah. Et c'est ça le point ou l'argument derrière la référence de ce verset-là par rapport à ce chapitre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interdit de faire la salat dans cette mosquée qui était établie sur le kofre et l'hypocrisie, le nifaq, eh bien, ça implique également l'interdiction d'égorger dans un endroit qui a été spécifiquement établi pour le shirk, encore plus. Hein. Et le cheikh, il explique ensuite, par rapport à Masjid al-Dirar, quand Allah Azza wa Jal dit « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ » Il dit « لِأَنَّ اللَّهَ عَدَّدَ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ طَوَائِفَ الْمُنَافِقِينَ وَذَكَرَ مِنْهُمَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا » C'est-à-dire que la mosquée qu'on appelle la mosquée de... La mosquée qu'on appelle la mosquée de Dirar, c'était un lieu, comme on a expliqué, pour que les munafiqines se réunissent. Sauf que si on regarde Surat At-Tawba, hein, eh bien, on va constater que Allah Azza wa Jal, il a dévoilé beaucoup de différentes catégories d'hypocrites dans cette surah. Et c'est justement une raison pourquoi un des noms de cette surah, c'est Al-Fadiha. Hein? Al-Fadiha, c'est-à-dire celle qui démasque la réalité, hein, qui montre la réalité scandaleuse de ce que les hypocrites cachent dans leur cœur. Donc tu vas voir que parmi les versets de Surat At-Tawbah, eh bien il y en a souvent qui commencent par « wa minhum », hein, et parmi eux. Et là, Allah Azza wa Jal, il mentionne plusieurs exemples. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez jamais lu Surat At-Tawba, de la lire. Hein? Parce que, franchement, c'est une surah. Déjà, ça fait partie des dernières surahs qui ont été révélées dans le Coran. Donc, c'est pratiquement une des dernières, avec Surat Al-Ma'ida. C'est pour ça que les ulama, ils disent, si vous trouvez des versets, des règles dans Surat At-Tawba et dans Surat Al-Ma'ida, yani ça veut dire que ça c'est muhkam, parce qu'il n'y a pas d'abrogation puisque c'est venu en dernier, hein? Et donc lisez cette surah, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment claires pour justement mentionner et clarifier les caractéristiques des hypocrites. Et donc ici le cheikh il explique que par rapport à Surat At-Tawba, Allah Azza wa Jal, il a énuméré un nombre d'entre les groupes d'hypocrites. Et parmi ces hypocrites-là, il a mentionné ce groupe-là qui était le groupe de ceux qui avaient établi cette mosquée de dissension. Ensuite, il mentionne, il dit « Wa irsadan liman harab Allah wa rasulahu min qabl » Et le cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, il dit « Hada rajulun yuqalu lahu Abu Amir » من الخزرج من أهل المدينة كان قد قرأ الكتب القديمة في الجاهلية وتلطف وأظهر التنسك وصار يلتقون عليه أبو عامر العابد يطلقون عليه أبو عامر العابد فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حسده وأراد الوقوف في وجه الدعوة فلم يتمكن من ذلك فذهب إلى الشام يؤلب الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كتب إلى المنافقين في المدينة يأمرهم بأن يبنوا مكانا للاجتماع والتشاور من أجل المكر بالمسلمين إرصادا لمن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الفاسق سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق بدل العابد. Donc ça c'est pour expliquer en fait cette partie du verset, hein, dans Sourate At-Tawba, encore une fois le verset 108. Et dans le verset en question, il y a l'allusion à celui qui, auparavant, avait combattu Allah et son messager. Et de qui s'agit-il, celui qui voulait combattre Allah et son messager? Le cheikh, il explique qu'il y avait un homme qui faisait partie de la tribu de Al-Khazraj. Vous savez qu'à Médine, il y a deux tribus à la base, Al-Aws et Al-Khazraj. Ces deux tribus, hein, qui sont proches en réalité. Et lorsque ils sont devenus musulmans, les habitants de Médine, on a cessé de dire Al-Aws ou Al-Khazraj, on a dit Al-Ansar. Donc ils sont devenus Al-Ansar. Et parmi les habitants de Médine, il y avait Abu Amir, un homme qui s'appelait Abu Amir et qui était de la tribu de Al-Khazraj. Et lui, cet homme-là, avant l'islam, dans la Jahiliya, il avait lu les livres anciens, hein, des juifs et des chrétiens. Et il était, d'une certaine façon, devenu religieux. D'accord? Et les gens lui avaient donné le surnom de l'adorateur. Abu Amir al-Abid, il l'appelait. Abu Amir, l'adorateur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le message de l'islam, et qu'il est venu faire la hijra, et qu'il est venu s'installer à Médine, et que sa da'wa a commencé à se propager, eh bien lui, il est devenu jaloux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Amir, il est devenu jaloux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a voulu s'opposer à la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas été capable. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté Médine et il est parti à Sham. Il est parti dans la région de Sham et il a essayé de rassembler les mécréants contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a envoyé une lettre aux hypocrites à Médine pour leur ordonner de construire cette mosquée, cet endroit dans lequel il allait pouvoir se réunir et comploter contre les musulmans et pour guetter justement dans le but de faire la guerre à Allah et à son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé Abu Amir al-Fasiq au lieu de l'appeler al-Abid comme il était appelé auparavant. Il l'a appelé Abu Amir al-Fasiq. Et donc c'est comme ça qu'il a été connu par la suite, Abu Amir al-Fasiq. Et par rapport à la suite du verset, وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, il dit, يُرِيدُونَ الْأَمْرُ, يَزِيدُونَ الْأَمْرُ, وَلِعَذُ بِاللَّهِ, وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ, بِأَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ وَهُمْ كَاذِبُونَ. وَمِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَهُمْ كَاذِبُونَ, كما قال تعالى عنهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون من أجل أن يروجوا على الناس فما كل من حلف يصدق. قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين. Donc ici le cheikh il explique qu'il dit que ces gens-là ont ajouté quelque chose de plus à la gravité de ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont menti à propos de leur serment. En voulant dire que quand on les a attrapés ou quand on a dévoilé leur intention réelle, ils ont juré qu'ils n'avaient pas de mauvaises intentions, qu'ils voulaient que le bien. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, on voulait que le bien. Et donc, ils jurent par Allah alors qu'ils mentent. Et le cheikh, il explique que ça fait partie des caractéristiques des munafiqin, des hypocrites, qu'ils jurent alors qu'ils mentent. Et comme Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Mujadala, le verset 14, ce qui signifie, et ils jurent, sur le mensonge alors qu'ils savent. Ils jurent sur le mensonge alors qu'ils savent. Et aussi, le cheikh, il a cité un autre verset aussi dans Surat Al-Qalam. Et c'est le verset 10. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ, n'obéis pas à tout grand jureur, à toute personne qui jure beaucoup et qui est mahin, yani méprisable. Ensuite, le cheikh il explique par rapport à la mosquée qui était bâtie sur le fondement de la piété depuis le premier jour. Il dit wa huwa masjid Quba wa qila masjid ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa sahih annahu ya'ammu al-masjidain kullun minhumā ussisa 'ala at-taqwa yuqalu masjid ar-rasul fi masjid ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ahad al-masajid ath-thalathah ويقال في مسجد قباء ويصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليه ويصلي فيه راكبا وماشيا. Donc on dit que cette mosquée qui était bâtie sur la piété, c'est la mosquée de Quba. Mais on le dit également à propos de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la position exacte, c'est de dire que ça comprend les deux. La mosquée de Quba et la mosquée du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Puisque toutes les deux ont été bâties sur la piété. Et il dit que la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des trois grandes mosquées. La mosquée de Mecca, Masjid al-Haram, la mosquée al-Quds et la mosquée Masjid al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ça, c'est les trois grandes mosquées. Et on dit que Masjid Quba, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partait soit en marchant ou soit à Dodan jusqu'à Masjid Quba. Chaque semaine, il allait prier là-bas. Naam. Masjid al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas Masjid al-Quba. Masjid al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des trois grandes mosquées. C'est-à-dire, il y a les trois grandes mosquées dans l'islam. Masjid al-Haram, Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil Madina, wa Masjid al-Aqsa fil Quds. La grandeur, c'est pas la superficie. Non, c'est pas par rapport à la taille. Mais c'est les trois grandes mosquées par rapport à leur valeur. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la prière à Mecca, elle vaut 100 000 prières. Et la prière dans sa mosquée, elle vaut 1000 prières. Et la mosquée Al-Aqsa, c'est 500 prières, je pense. Hein? 5, non, c'est 5, 50 à 1000. Non, je pense que c'est... Non, non, non. L'Aqsa, c'est elle qui a le moins de valeur par rapport aux trois. Vérifiez, vous allez voir. Oui, vérifiez ça. Le frère, il va vérifier. Puis... Et non. Oui, Masjid de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est 1000. Et Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Masjid al-Haram, c'est 100 000. Wa alaykum salam wa rahmatullah. En fait, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait indiqué aux sahaba l'ordre des sourates et qui leur a dit cette sourate elle va à tel endroit et celle-là elle va à tel endroit et celle-là elle va à tel endroit. Oui, donc c'est les sahaba quand ils ont ordonné les sourates, ils les ont ordonnées selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné. OK, donc c'est lui qui a donné l'ordre. Oui. C'est pas eux qui ont décidé où les placer ou comment les placer. 500 prières. C'est ce que j'avais appris. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah. Non, mais ça, des fois, on peut se tromper, comme on dit, mais il fallait juste vérifier pour... quand on a un doute, on vérifie pour être certain. Ensuite, où est-ce qu'on est rendu? Le cheikh, il dit... وَهُوَ مَسْجِدُ قُبَى. Donc, وَهُوَ أَوَّلْ يَوْمٍ قَدِمَ فِيهِ المدينة فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. شيخ الفوزان الذي أول ما بني مسجد قباء لأنه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم على أهله وصلى فيه. يقال له مسجد بني الأشهل من الأنصار، وهو مسجد قباء لأن المكان أو الحارة التي هو فيها تسمى قباء. بقي لهذا المسجد ولله الحمد الذكر الطيب وصار مباركا ويصلى فيه لأن نية أصحابه الذين أسسوه نية طيبة. Donc le cheikh il explique, il dit que c'est la première mosquée qui avait été bâtie par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était sur son chemin, lorsqu'il faisait la hijra, il allait vers Médine, et lorsqu'il est arrivé, il a prié à cet endroit-là. Il dit que c'est, on l'appelait la mosquée de Banil Ashhal, parmi les Ansar. Et Donc, c'est la mosquée de Quba. Et l'endroit où elle se situe, c'est un endroit qu'on appelait Quba. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit, cette mosquée-là, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Elle a gardé un beau souvenir. On continue à s'en rappeler parce que elle a été bénie. Et on prie dedans jusqu'à aujourd'hui. Il dit, parce que les gens qui l'ont bâti et qui l'ont fondé, ils avaient une bonne intention. Et quand quelqu'un il fait une action avec une bonne intention pour Allah, mais souvent Allah Azza wa Jal, il va mettre dedans la baraka et c'est ce qui va faire en sorte que la chose elle va rester. Comme la mosquée de Al-Masjid Al-Haram qui a été bâtie par Ibrahim alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui les gens ils prient dedans alors que elle a été bâtie depuis des siècles, hein. Donc tout ça c'est un exemple. Et je me rappelle même une fois, il y avait eu la visite de Cheikh Al-Fawzan à Médine quand j'étais là-bas. Et il était venu à Masjid Quba justement pour faire une conférence. Donc c'est des beaux souvenirs en même temps. Après, le Cheikh, il dit, pour expliquer, après il dit, l'intention des munafiqines d'avoir construit cette mosquée, c'était pour soi-disant les faibles ou les gens malades quand il y avait des nuits pluvieuses ou des nuits d'hiver. Pourquoi on dit les nuits d'hiver? Parce que c'est pas à Médine, il y a l'hiver. C'est pas l'hiver comme ici au Canada. Mais il y a quand même l'hiver, il fait froid. En fait, l'hiver là-bas, il fait très très froid relativement à l'été. Parce que je me rappelle des fois que j'ai senti des froids là-bas. Des froids que par comparaison à ici on a pas senti. C'est pas un froid comparable parce que ici on a le chauffage dans les maisons, on a les vêtements chauds pour l'hiver. Là-bas non, les gens sont habillés comme en été, mais le matin il y a un vent qui passe, ça rentre à travers les eaux là. Quand ça passe, oh, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est comme dans le désert. C'est vrai, c'est ça. C'est un froid qui fait mal en même temps. Oui, il est sec. Donc, eux, ils ont dit, ben justement, à cause de ça, on va faire cette mosquée-là pour les gens qui ne peuvent pas aller jusqu'à Quba, soi-disant. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Yuzhirun al-Rahma wa al-Shafaqa ala al-Muslimin. » Ils veulent montrer la miséricorde et comme si ils ont de l'affection pour les musulmans et de la pitié, de la compassion pour les musulmans, alors que c'est pas vrai. Hein. Et ensuite, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit que il partait pour l'expédition à Tabouk et que à son retour, il allait prier dedans. Et le cheikh il dit, لأنه لا يعلم الغيب وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la raison pourquoi il avait accepté, c'est parce qu'il ne connaissait pas l'invisible. Et de son comportement noble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait personne. Toute personne qui lui demande quelque chose, il accepte de sa demande. Et il ne refuse pas aux gens. Et ça ne fait pas partie de son comportement de refuser. Donc, ça c'est un exemple. Sauf que par la suite, quand il a su la réalité de ces gens-là, eh bien, Allah lui a révélé de ne pas prier dedans, donc il n'est pas allé. Il a ordonné de détruire cet endroit. Et donc, il dit, le Cheikh arsala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ila masjid al-dirar min hadmihi wa ahraqahu qabla qudumihi ila masjid al-Madinah. فدل هذا على وجوب هدم مساجد الضرار. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donc il a reçu l'information à propos de cette mosquée de dissension et il a envoyé quelqu'un pour la détruire. Il l'a fait brûler avant de revenir à Médine. Et le cheikh il dit ça c'est la preuve de l'obligation pour quelqu'un de détruire la mosquée hein, de dissension. Et yani, par rapport à ce sujet-là, c'est important de faire attention ici que les exemples qu'on voit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la décision qu'il a prise de détruire cette mosquée, quelqu'un ne peut pas faire une comparaison ou analogie en disant, bon, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit une mosquée de dissension, donc toi, il y a une mosquée que tu considères comme étant une mosquée de dissension, tu vas dire, moi, je vais aller, je vais la brûler. Tu n'as pas le droit de faire ça. Puisque ça, c'est seulement ceux qui détiennent l'autorité et le commandement qui auraient le droit de prendre ce genre de décision-là si jamais il y avait effectivement une mosquée qui rentre dans cette catégorie ou dans ce genre de lieu où il y a des mosquées qui sont bâties sur des tombes et que les gens vont, par exemple, pour faire du shirk. Il y a des gens qui se sont, disons, improvisés pour dire « Ah, ça, c'est des mosquées de shirk, il faut les détruire. » Puis ils sont partis pour les détruire. Et puis, finalement, ça s'est retourné contre eux. Et les mosquées, elles ont été rebâties encore. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas d'autorité pour faire ça. Et le résultat était pire que qu'est-ce qu'ils ont cherché d'enrayer ou d'éliminer. Et si on étudie la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va comprendre que ça ne fait pas partie de sa sunna de régler la situation de cette façon-là. Pourquoi? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, il aurait pu partir la nuit puis casser les idoles des mouchriquines. Hein? Il aurait pu dire à ses compagnons, bon, cette nuit on va descendre près de la Kaaba puis on va casser toutes les statues, on va casser toutes les idoles. Mais il ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était pas utile de le faire à ce moment-là et que ça pourrait avoir des conséquences beaucoup plus mauvaises que la présence de ces idoles-là déjà. Premièrement, parce que ça va enrager les mouchriquines contre les musulmans qui sont déjà faibles, hein, et peu nombreux. Et ça risque de faire en sorte que justement ils soient, hein, complètement éliminés. Et non seulement ça, les mouchriquines, ils vont augmenter d'attachement pour ces idoles-là, puis ils vont les reconstruire peut-être même plus grosses encore. Hein? Donc ça n'amène pas un fruit utile et bénéfique. C'est ça. C'est pas productif, c'est contre-productif, parce que au lieu de d'éliminer ces idoles-là, ça va les rendre plus, hein, plus, encore plus attrayante pour les mouchriquines. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de les détruire physiquement, au début, il les a laissés. Mais il a commencé à les détruire dans le cœur des gens. Une fois qu'il a réussi à les détruire dans leur cœur, et qu'il a fait rentrer dans leur cœur le tawhid, ou plutôt, il les a appelés au tawhid, et que Allah a fait rentrer la foi dans leur cœur, parce que c'est Allah qui guide, eh ben, c'était très facile par la suite pour lui de les détruire. Et il était certain que personne n'allait les remettre, hein, parce que les gens ont compris la ilaha illallah. D'accord? Donc ça, c'est très important de commencer toujours par la da'wah, et par l'enseignement, et par l'explication, plutôt que de vouloir détruire les choses sans avoir expliquer et clarifier, hein? Sinon ça amène des conséquences. Et si c'est les responsables qui le font et ceux qui ont l'autorité, eh bien là, à ce moment-là, c'est autre chose. Parce que là, si c'est eux qui le font, personne va venir s'opposer à qu'est-ce qu'ils font. Et si jamais ils décident de le faire, eh bien ça va être, il y en a une décision qui est établie et qui va être yani, disons, ça va être clair. Tandis que si c'est des individus qui se permettent de le faire, et ça va amener de la fitna et des problèmes. Non. Le problème, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est parce que si c'était l'autorité ou les gouverneurs qui disaient à la population, par exemple, on va appliquer la charia. Là, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord ou qui vont vouloir fuir. Ça, c'est une chose. Mais, n'empêche que c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui ont l'autorité et qui décident de l'appliquer. Donc, ça, c'est une chose qui sera, disons, claire, établie par ceux qui sont déjà au pouvoir. Mais tandis que si c'est des petits groupes d'individus parmi les Khawarij qui veulent se rebeller contre les dirigeants et qui disent, nous, on veut appliquer la charia. Déjà, ils contredisent la charia en se rebellant contre les dirigeants. C'est déjà une contradiction. En plus, ils appliquent des règles de la charia alors qu'ils n'ont pas l'autorité de le faire. Parce que moi et toi, on ne peut pas se déclarer les responsables des musulmans, puis on va aller attraper les voleurs dans la rue pour leur couper la main ou bien pour lapider les gens qui font le zina, hein, ou des choses de ce genre. Ça, ça ne se fait pas. Ce n'est pas de cette façon-là que les choses doivent se faire. Je te donne un exemple. Yani, pour te dire franchement, tu veux, parce que la question, tu me demandes à propos des talibans. La réalité, si tu me demandes à propos des talibans, les talibans sont connus. On sait d'où ils viennent, on sait qui ils sont, on sait quelle est leur aqidah, quel est leur manhaj. Mais si tu me demandes à propos de l'application de la charia, ça c'est autre chose. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que la base de la charia, c'est le tawhid. Et c'est la sunna. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut réellement appliquer la charia, il doit commencer par éliminer le shirk et les bid'ah. Mais si quelqu'un il est sur le shirk lui-même et sur la bid'ah, il ne va jamais être capable de l'enrayer parce qu'il est lui-même sur la bid'ah. Et les talibans sont de l'école des Diobandiyas. Et les Diobandiyas, ce sont des soufis et ce sont des muta'assibin, les madhab al-hanafi, et ils défendent beaucoup de bid'ah et beaucoup de shirkiyat. Et il y a beaucoup de vénération des tombes chez eux. Et le Qubouriya, c'est répandu chez les Diobandiyas. Que ce soit en Inde, que ce soit en Afghanistan ou au Pakistan, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas espérer de ces gens-là qu'ils vont réellement appliquer la charia d'Allah. En plus, si on regarde leur comportement et leur attitude, le terrorisme, les attentats, le fait de se faire exploser, de tuer des innocents, des hommes et des femmes et des enfants, sans aucun discernement et de façon sauvage, comme étant un moyen, soi-disant, pour se défendre ou bien pour un moyen pour établir l'islam et la charia, ça ne fait pas partie de la charia d'Allah. Et c'est en contradiction. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que le fait de vouloir présenter ces gens-là comme étant un exemple, c'est en contradiction, hein, avec la réalité de l'islam. Mais en ce qui concerne la charia de l'islam, c'est la charia de l'islam. Peu importe qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, nous, on l'accepte. Mais parfois, des gens ou des groupes vont prétendre ou appeler à la charia en apparence, mais dans la réalité, ce qu'ils font, c'est en contradiction avec la charia. Et pas seulement en contradiction avec des éléments de la charia, mais parfois en contradiction avec les fondements de la charia, puisque la charia, s'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas de charia. Et c'est pour ça que si, par exemple, on va dire que les États-Unis ou l'Europe, l'Union européenne, ils décidaient, par exemple, d'interdire l'alcool et d'interdire le zina et décidaient, par exemple, d'appliquer la peine de mort pour par exemple, le meurtre. Ça, c'est des choses qui ressemblent à la charia. Mais est-ce qu'on dirait que c'est un pays musulman ou qu'est-ce qu'ils appliquent, c'est la charia? Non, parce qu'ils n'interdisent pas le shirk. Ils n'ordonnent pas le tawhid. Ils ne croient pas en Allah et en son messager. Ils ne croient pas au Coran et à la sunna. Donc, c'est pas juste d'appliquer des règles qui fait que quelqu'un applique la charia, mais c'est à la base, c'est de croire en Allah et de croire en sa révélation et de tout ce qu'il y a, d'accepter tout ce qu'il y a dedans. S'il y a des manquements, ou il y a des fautes, ou il y a des péchés, ça c'est une chose. Parce que c'est normal, il n'y aura jamais un pays parfait ou un endroit parfait sur terre où quelqu'un applique tout et où il n'y a pas de péché, ça n'existera jamais. N'empêche que si on accepte le principe de base et on croit en l'islam de façon globale et qu'après il y a des fautes ou des manquements, eh bien, ad-din an-nasiha, la religion c'est le bon conseil. Et on ata'awun 'ala al-birri wa at-taqwa, on s'entraide dans la piété et dans le bien et dans la piété. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. C'est-à-dire, saddidu wa qarib, ça veut dire, mets-toi droit, à la sadad, tu te mets sur la droiture, mais si tu n'es pas capable de l'atteindre, qarib. C'est-à-dire, mets-toi le plus proche possible de ce qui est correct. Donc, c'est ça, en fait, qu'on doit essayer de faire. Et surtout que nous, on vit à une époque, on est loin de l'époque des Sahaba. Donc, il ne faut pas non plus s'étonner de notre éloignement. Mais en même temps, il faut juste être sincère envers Allah et faire notre possible. Et le reste, le résultat, c'est Allah. C'est lui qui décide. Et si Allah, il voulait donner le succès et la victoire aux croyants demain, il le ferait. Mais Allah Azza wa Jal, il a une sunnah dans sa création. Et donc, il faut prendre les causes. Et pour arriver au résultat, il faut suivre les règles. In tansurullah yansurkum. Si tu viens au secours de la religion d'Allah, Allah il va te secourir. Mais tant qu'on est en train d'avoir une attitude ambivalente et qu'on n'est pas un pied ferme dans la religion, c'est normal que le résultat, il ne vienne pas comme nous, on l'espère. Donc, il faut juste, revenir à la règle de base, et puis avec la sincérité, et si ce n'est pas nous, ce sera nos enfants, si ce n'est pas nos enfants, ce sera leurs enfants. Mais tôt ou tard, la victoire est « l'aqiba lil muttaqin ». L'aqiba tout lil muttaqin. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.